Message. Mit unserer Botschaft, du und Christus. Please know that it is between you and Christ. Wisse, dass es zwischen dir und Christus ist. Tu dois savoir que tout est entre toi et Jésus-Christ. Between you and Christ means between you and me also. Zwischen dir und Christus bedeutet auch zwischen dir und mir. Et puis tout ce qui est entre toi et Jésus-Christ, c'est entre toi et moi. The only Christ you can see is me. Den einzigen Christus, den du sehen kannst, das bin physically. Ich. Den du physisch sehen kannst, bin ich. Le seul Christ que tu peux voir physiquement, c'est moi. That's why in 1 John, Jesus said, you cannot say you love God and not love your brothers. Deswegen sagt Jesus in 1. Johannes, dass du kannst nicht sagen, dass du mich liebst, aber du hast deine Brüder und Schwestern. C'est ça, Christus. 1 Jean dit que tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu si tu n'aimes pas tes frères et sœurs. C'est ça, tu dois d'abord commencer avec tes frères et sœurs parce que tu les vois. Coming to Christ is so risky. Zu Christus zu kommen ist sehr riskant. Venir vers Jésus-Christ, c'est risquant. We have learned a lot concerning it. Wir haben sehr viel dazu gelernt. Et puis on a beaucoup appris concernant ça. And the Lord is teaching us more. Und der Herr bringt uns noch mehr bei. Et puis Dieu nous apprend encore de plus. Notice what I did not say. Achte darauf, was ich eben nicht gesagt habe. Remarque ce que je n'ai pas dit. I did not say coming to religion. But I said coming to Christ. Ich habe nicht gesagt zur Religion kommen, sondern zu Christus kommen. Et puis je n'ai pas dit que venir vers la religion c'est risquant, mais venir vers Jésus-Christ c'est risquant. Praise the Lord. Amen. You know, Satan is so clever. Der Satan ist so clever. Parce que le diable est aussi très intelligent. Amen. And Jesus help us to know that. Und Jesus hilft uns das zu erkennen. Et puis Jésus aide. He said he sent us into the midst of wolves. Gesagt, er hat uns in die inmitten von Wölfen reingeschickt. Book of Matthew. Amen. Matthäus lesen wir das. Parce que Jésus nous dit qu'il nous envoie au milieu des dangereux. Amen. He said we are to be wise and We have to be wise like serpents. Wir sollen weise sein wie die Schlange. Il a dit qu'on doit être sage comme des serpents. Amen. Be wise like serpents. Sei weise wie die Schlange. Sois sage comme des serpents. Amen. But be gentle like dove. Aber zahm sein wie eine Taube. Et tu dois être gentil comme des. Be wise like serpents. He's talking about Satan. He's so wise. Er spricht über den Satan, dass er so weise ist. Quand Jésus-Christ dit que sois sage comme les serpents, il parle du diable. He always used the wisdom God gave him. So, you know, he used it properly. That's Satan. Er hat die Weisheit, die der Herr ihm gegeben hat, benutzt. Er benutzt sie. Parce que la sagesse que Dieu a donnée à le diable l'utilise. Though the wisdom has been corrupt, but he knew how to use it. Auch wenn diese Weisheit korrupt gemacht worden ist, weiß er, wie er sie zu nutzen hat. Bien que la sagesse a été abîmée, il sait comment utiliser la sagesse. You know, the book of Job, Job 1. You know, God asked him, where have you been? He said, I've been going through and fro, looking for who to destroy. Because, you know, he had that wisdom, it's still there. But it is corrupt, but it's still so useful. In Hiob 1 hat Gott den Teufel gefragt, wo warst du? Und er hat gesagt, ich streife um die Welt umher und schaue und suche nach Opfern. Er hat noch diese Weisheit, aber sie ist halt korrupt, aber er nutzt sie, um halt zu seine Werke zu tun, nämlich zu töten, zu stehlen und zu zerstören. Et dans la Bible, on voit aussi que Dieu a demandé le diable, qu'est-ce que tu fais? Où tu viens? Après, le diable l'a dit que je cherche qui a détruit. C'est comme ça aussi, on voit que la sagesse que Dieu a donnée, le diable, il utilise ça toujours pour faire du mal. We will not go to that of Matthew, because we see how we have a lot to deal with today. Amen? Amen. Wir werden heute nicht zu Matthäus gehen, weil wir heute viel durchgehen möchten. Aujourd'hui, on ne va pas lire Matthieu, parce que nous avons beaucoup à parler. Again! Coming to Christ is so risky. Zu Christus zu kommen ist sehr riskant. Venir vers Jésus-Christ, c'est risquant. Because everything in you and outside you are going to change. Alles in dir und um dich herum wird sich ändern. And you everything. Parce que tout en toi et puis autour de toi, ça va changer. Amen. Amen. There is going to be a change of God. Es wird eine Veränderung geben, eine Veränderung von Christus, von Gott. Parce que dans ta vie, le changement va se manifester puis ça vient de Dieu. Your God is not going to be the God of religion. Dein Gott wird nicht mehr der Gott der Religion sein. Parce que ton Dieu va pas être le Dieu de la religion. Your God will be now be the only true God. Dein Gott wird dann der einzig wahrhaftige Gott sein. Parce que ton Dieu va être le seul vrai Dieu. It is only through Christ you have the only true God. Nur durch Christus haben wir den einzig wahrhaftigen Gott. Seulement à travers de Jésus-Christ tu as le vrai Dieu. It is only through Christ you communicate with the only true God. Nur durch Christus kommunizierst du mit dem wahrhaftigen Gott. Seulement à travers de Jésus-Christ tu es en train de communiquer avec Dieu. It is only through Christ you are one with the only true God. Nur durch Christus bist du eins mit dem wahrhaftigen Gott. Seulement à travers le Christ tu es un avec le vrai Dieu. Again, you know, I said it before now that Satan is so clever. Ich habe eben schon gesagt, dass Satan sehr clever ist. Et puis je viens de dire aussi que le diable est très intelligent. A lot of his lies, they are so good that to know that they are evil. It takes the power of the Holy Spirit. Viele seiner Lügen sind so gut, dass es die Kraft des Heiligen Geistes braucht, um seine Lügen zu erkennen. Parce que beaucoup de mensonges du diable sont très bien raisonnés et puis très difficiles à reconnaître. Et puis c'est ça pourquoi tu as besoin la force du Saint-Esprit. And the so-called God people are so used to his lies. Aber die Kinder Gottes sind so gewöhnt an seine Lügen. Mais beaucoup des enfants de Dieu sont habitués avec le mensonge. Praise the Lord. Alléluia. They are not used to Christ. Sie sind nicht gewöhnt an Christus. Ils ne sont pas habitués à Jésus-Christ. They are not used to the truth because they don't even know the truth. Sie sind nicht gewöhnt an die Wahrheit, weil sie kennen die Wahrheit nicht. Ils ne sont pas habitués à la vérité, puis parce qu'ils ne connaissent pas aussi la vérité. I'm talking about what Christ called the truth, and not what your church or denomination or you call the truth. Ich spreche von dem, was Christus die Wahrheit nennt, nicht was deine Gemeinde oder deine Lehre die Wahrheit nennt. Et je parle de ce que Jésus-Christ appelle la vérité, pas ce que ton église ou ta dénomination, mais ce que toi tu appelles la vérité. Praise the Lord. Alléluia. A change of a father once you come to Christ. We now have a change of father. Dein Vater wird verändert durch einen neuen Vater durch Jesus Christus. Quand tu viens vers Jésus-Christ, ton père va aussi changer parce que ton père sera Jésus-Christ lui-même. We are going to have a change of mother. Du wirst auch eine neue Mutter haben. Tu vas aussi avoir une nouvelle mère. A change of siblings. Auch neue Geschwister haben. Des nouveaux frères et sœurs. A change of friends. Neue Freunde. Nouveaux amis. Amen. Amen. A change of neighbors. Neue Nachbarn. Même tes voisins vont aussi changer. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. All that you know, you are going. Jesus, you know, let's go to Luke 14. We have been here several times. Lucas 14. Luke 14. Amen. Amen. We have been here several times, so many times. Well, it's good. We are always there. We go there, and so that you know, as a reminder, and those of us that don't even know it at all. Es ist immer wieder gut, dass wir an diese Stellen zurückgehen als Erinnerung. Nous avons lu 14 plusieurs fois, mais c'est très important qu'on les lit pour qu'on se rappelle aussi. Look at what Jesus said here. Schaut euch an, was Jesus hier sagt. Voyez ce que Jésus-Christ dit ici. From verse 26. Lukas 14, 26. Verset 26. If any man come to me, do you get it? Coming to Christ. 26. Wenn man zu Christus kommt. Verset 26, c'est lui qui vient à moi. I hate not his father. I don't know, you know, people that are, you know, that they love the flesh so much. They are so rooted in the flesh that to separate from the flesh is, if Christ cannot separate you from the flesh, what else can separate you? Wenn Christus sich nicht von dem Fleisch trennen kann, was soll ich dann von dem Fleisch trennen können? Et puis si Jésus-Christ ne peut pas te séparer de la chair, qui va être capable de te séparer? He said you are going to hate your father. Du wirst deinen Vater hassen. That is not coming from Gracie Dawosa. It's coming from Christ. Das kommt nicht von Gracie Dawosa, das kommt von Christus. Et puis verset 26 dit, celui qui vient à moi doit me préférer à son père. Et ce faire, cela, ça vient pas de l'église Grace Idahosa, mais ça vient de Jésus-Christ lui-même. Jesus said he's going to separate you from your natural father. Jesus sagt, wird dich trennen von deinem natürlichen Vater. Jésus-Christ dit qu'il va te séparer de ton père naturel. is somebody getting it? He said, if any man come to me and hate not his father and mother and wife and children and brethren, you know, this, all this, you know, until you are out of there, you have not even started. Wenn wir da nicht rauskommen, dann haben wir noch nicht angefangen. Et verset 26 ajoute aussi qu'on doit préférer Jésus-Christ plus que nos mères, nos femmes, nos enfants, nos frères et sœurs. Puis si nous n'avons pas quitté nos familles naturelles, là nous ne sommes même pas arrivés dans la vérité. You know, you are not even going to be the one separating yourself from them. The truth. If you believe the truth and act on the truth, it will say, the truth is separation. Put something here. Let's go to John 17. Und du bist nicht mal die Person, die sich von diesen Leuten trennen wird, sondern es ist die Wahrheit, die euch trennen wird. Et c'est pas toi la personne qui va se séparer de ta famille naturelle, mais c'est la vérité qui va causer la séparation entre toi et ta famille naturelle. Et maintenant, on va lire Jean 17. Praise the Lord. Alléluia. From verse 15 to verse 17. Johannes 17. Or to 18. John 17. 15 to 18. Johannes 17, 15 bis 18. Jean 17, verset 15 à 18. He said, I pray not that thou shouldest take them out of the world. Are you getting it? If a child of God died, it's not, God never take anybody. Wenn ein Kind Gottes stirbt, he said, I did not pray. Jesus did not say, kill them. Jesus hat nicht gesagt, töte sie. Verset 15, on a écrit, je n'étais pris pas de les retirer du monde. Donc, ça montre ici que Jésus-Christ ne veut pas qu'un enfant de Dieu meure, mais il veut que Dieu nous protège du mauvais. But that thou shouldest keep them from the evil. It's just so difficult for people to even understand. Aber es ist so schwer zu verstehen. Je ne te prie pas de les retirer du monde, mais de les garder du mauvais. Est-ce que c'est très difficile à le comprendre? You know, any evil things that happen, when people die, when people are, you know, they'll see it as God doing it. Auch wenn Dinge passieren, schreckliche Sachen, Leute sterben, denken viele Leute, dass es Gott ist, der es gemacht hat, dass Gott jemanden genommen hat, zu sich gerufen hat. Parce que quand les choses mauvaises se passent, là, il y a des gens qui croient que c'était la volonté de Dieu que cette personne meure ou bien ait un accident. Mais c'est pas la volonté de Dieu du tout. The Bible calls Jesus the exact image of God. Die Bibel nennt Jesus das exakte Ebenbild Gottes. Et puis la Bible appelle Jésus-Christ l'image exacte de Dieu. He came here, he never killed anybody. Er ist hingekommen, hat niemanden getötet. Et puis il est venu ici, puis il a jamais tué quelqu'un. Praise the Lord. Halleluja. But don't joke with him. Dennoch sollst du ihn ernst nehmen. Mais ne joue pas aussi avec Dieu. Amen. Amen. He is a lamb. And also a lion. Er ist ein Lamm, aber auch ein Löwe. Il est un agneau, mais aussi un lion. Praise the Lord. Halleluja. Verse 16. 16. They are not of the world, even as I am not of the world. Are you getting something? He says, sanctify them through your truth. 17. Separate them through your truth. Your truth is what separates you from them. That Christ himself is the truth. I am the way, the truth and the life. John 14, verse 6. Heiligung heißt Aussonderung, heißt Abspaltung. Und es ist ein Wort, was uns heiligt. Es ist sein Wort, was uns abspaltet von der Welt, abtrennt von der Welt. On vient de lire verset 16. Ils n'appartiennent pas au monde comme moi, je n'appartiens pas au monde. 17, fais qu'il soit entièrement à toi par le moyen de la vérité, ta parole est la vérité. Donc ici, ça montre que la vérité cause la séparation, puis cette séparation, ça montre aussi que nous sommes saints, puis cette sainteté, c'est la coupure. You know, the Bible said all those who live godly in Christ Jesus will suffer persecution. Die Bibel sagt, alle, die göttlich leben in Christus Jesus, werden Verfolgung erleiden. Et puis, la Bibel nous dit que... Alle. Non son. Nicht nur einige. La Bibel nous dit que chaque enfant de Dieu qui mène une vie divine en Christ, il va avoir la persécution. Et puis, c'est sûr. You are going to suffer persecution. You know, from your mother, from father, from friends, from people. Except if you did not, if you refuse to choose Jesus. Von Leuten. Once you choose Jesus, there's going to be a fight. Aber wenn du dich für Jesus von Familie wirst du Verfolgung erleiden, aber von Menschen wirst du Verfolgung erleiden, aber wenn du dich für Christus entscheidest. Et puis tu vas souffrir aussi de la persécution de ta famille de toute façon. Et puis c'est parce que tu t'es décidé à suivre Jésus-Christ. Mais quand tu arrêtes de choisir Jésus-Christ, tu ne vas pas aussi avoir la persécution. You know, when God told me to start the ministry. Als Gott mir gesagt hat, die Gemeinde zu beginnen. Quand Dieu m'a dit à commencer l'église. My question was always why. Habe ich mich immer gefragt, Lord? Wieso? Why, Lord? But He did not tell me. Amen. Er hat mir das nicht gesagt. Je me suis toujours demandé pourquoi, mais Dieu m'a jamais répondu. I did not get the answer from him. Ich habe die Antwort nicht bekommen. Je n'ai pas eu une réponse. But as the ministry started going on, you know, the movement, I could see it, and I understood. I know the reason why he said this ministry should exist. Aber als die Gemeinde dann weiterlief und lief, wusste ich dann, weshalb er möchte, dass diese Gemeinde da ist, wegen der Botschaft. Et quand j'ai commencé avec l'église, puis j'ai continué à prêcher, là j'ai compris à travers le message pourquoi Dieu veut que j'ai cette église. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. You know, Aaron, is it the Ark of Noah? Noah, remember Noah. Only Noah's ministry was saved in the old world. Noah's Gemeinde wurde gerettet. Et puis quand on lit l'histoire de Noé, il y a seulement 8 personnes qui ont été sauvées par l'arche. I'm very sure there were other ministries. Und es gab sicherlich andere Gemeinden. Et puis je suis sûre qu'il y avait aussi les autres églises ou bien un groupe qui prêche aussi la parole de Dieu. But only Noah's ministry. We are saved. Nur Noah's Gemeinde wurde gerettet. Eight people, only eight. The old world. In der alten Welt. Mais au monde ancien, il y a seulement 8 personnes qui ont été sauvées par Dieu. You know, for those that believe that there are, you know, you better choose Christ. Those that believe that there are, you know, I heard somebody the other day said, you know, the Muslim Mecca is always so filled, except now because of Corona. Before, the people that rush to Mecca, there are so many. Say, will all these people just die? Will all these people go to hell? Do you think God cares? All He cares for is His Son that came to die for us. Ich habe einmal jemand gehört, der gesagt hat, Mekka gesehen hat, also diesen Stein im Fernseher gesehen hat, wie viele Menschen da um diesen Stein umzingeln, und der sich dann halt gefragt hat, es war noch zu der Zeit, wo es noch kein Corona gab und viele Leute immer da waren, hat die Person gesagt, wie kann es sein, dass all diese Menschen, die diesen Stein halt anbeten und da sind, wegen diesem Stein, wegen ihrem Gott, alle in die Hölle gehen, weil sie Jesus nicht haben. Und die Sache ist, das ist einfach so. Und denkst du, dass Gott die Menge an Menschen interessiert? Nein, ihn interessiert nur sein Sohn, ob du ihn hast oder nicht hast. Et une personne qui a vu une image de beaucoup de gens qui partaient à Mecca, c'est une place là où les musulmans prient, et puis il y avait beaucoup, même 1000 personnes qui étaient là-bas, et puis cette personne m'a demandé, est-ce que c'est vrai que chaque personne qui est là-bas va aller en enfer, va absolument mourir comme ça? Après je l'ai aidé à comprendre que Dieu ne s'intéresse pas pour la foule ou bien pour la quantité de gens, mais lui il s'intéresse vraiment pour son fils, et puis si tu n'avais pas son fils, là tu vas pas voir la vie éternelle. The Bible said everything was created by His Son and for His Son alone. Alles wurde für seinen Sohn und von seinem Sohn erschaffen. It's all about His Son. Es geht nur um Jesus Christus. Et puis Colossiens 1 nous dit que tout a été créé par Jésus-Christ pour Jésus-Christ. Il s'agit seulement de Jésus-Christ. You know, it takes the Holy Spirit to believe Christ. Es braucht den Heiligen Geist, um Christus zu glauben. Et puis tu as besoin du Saint-Esprit de croire Jésus-Christ. It takes the Holy Spirit to believe the message that is coming out. Es braucht den Heiligen Geist, um die Botschaft zu glauben, die hier gepredigt wird. Et tu as aussi besoin du Saint-Esprit de croire le message qu'on prêche ici. The Holy Ghost has to help you to understand it and to believe. Der Heilige Geist muss dir helfen, your brain is just too small zu glauben, weil sonst ist unser Verstand einfach zu klein, um das zu greifen. Et pour que tu comprennes aussi le message. Tu as besoin du Saint-Esprit, sinon ça sera trop pour toi parce que toi tu n'as même pas la compréhension pour le message. Jesus said with man it is impossible. Jesus sagt, mit dem Menschen ist unmöglich. There's nothing impossible with Christ. Mit Christus ist nichts unmöglich, mit dem Heiligen Geist. Et puis la Bible nous dit que pour l'homme tout est impossible, mais oui, rien n'est impossible, tout est impossible, mais avec Jésus-Christ rien est impossible. Praise the Lord. Hallelujah. You know, in verse 16 again, he said, they are not of the world, even as I'm not of the world. You know, if the love of the flesh, the love of the mother, the love of the father, the love of brothers and sisters is still in you, you are of this world. Wenn and diese, love of Christ. Liebe it should be the love of Christ. Zu dem Fleisch, wenn die Liebe zu der physischen Familie immer noch da ist, dann... You don't belong to Christ. Gehörst du nicht zu Christus? Es muss die Liebe von Christus sein, die man für diese Menschen hat, und nicht die Liebe dieser Welt. Et si tu as encore l'amour charnel pour ta famille naturelle, pour ta mère, pour ton frère et sœur, pour tes frères et sœurs, là tu n'appartiens pas à Jésus-Christ, là tu n'as pas compris à qui tu appartiens surtout. Praise the Lord. Hallelujah. You know the love of the flesh. You know you don't love. You loving parents with the love of flesh. You don't even love them. Eltern you zu love lieben yourself. Mit der Liebe des it's Fleisches ist noch nicht mal wirkliche Liebe. Es ist einfach nur eine Selbstliebe, weil du dich selbst liebst, aber nicht die Menschen liebst. Et si tu aimes ta famille bien tes parents naturels avec l'amour charnel, là tu ne les aimes même pas. Ça montre seulement que tu t'aimes toi-même. It is the love of Christ. Submitting them to Christ. That is the love of Christ. Diesen Menschen Christus zu übergeben, das ist wahrhaftige Liebe. Amen. Et puis l'amour de Jésus-Christ, ça veut dire que tu soumets tes parents à Jésus-Christ. Et puis c'est ça le vrai amour. Once you choose Christ, you submit them to Christ. Wenn du Christus wählst, übergibst du sie damit Christus. Also quand tu choisis Jésus-Christ, c'est là où tu soumets aussi tes parents à Jésus-Christ. Praise the Lord. Amen. In verse 17, it says, sanctify them through your truth. Your word is truth. You see it? The truth. Die Wahrheit. Inside the word in of Gott, God is the Gottes truth. Gottes ist die Wahrheit. Verset 17, fais qu'il soit entièrement à toi par le moyen de la vérité. Ta parole est la vérité. I know how the Holy Spirit speaks. Ich weiß, wie der Heilige Geist spricht. Je sais comment le Saint-Esprit parle. And that's why once you say the Holy Spirit said, I listen carefully. So wenn du sagst, der Heilige Geist hat gesagt, dann höre ich ganz aufmerksam zu, weil ich weiß, wie er spricht. Ça veut dire aussi que quand tu dis que le Saint-Esprit m'a dit, là je vais écouter et puis faire très attention parce que je sais comment le Saint-Esprit parle. Praise the Lord. Hallelujah. Let me go further. As thou hast sent me unto the world, even so have I also sent them into the world. Praise the Lord. Hallelujah. Jesus was sent here. So Jesus also hingesandt. Christ sent us. So hat uns Christus auch geschickt. Verset 18, je les ai envoyés dans le monde comme tu m'as envoyé dans le monde. Donc ça montre que Jésus-Christ a été envoyé par Dieu, puis nous aussi nous sommes envoyés par Jésus-Christ. We are sent by the truth. Wir wurden gesandt durch die Wahrheit. Nous sommes envoyés par la vérité. And that is why nothing can separate us from the truth. Deswegen kann uns nichts von der Wahrheit sent us. Er hat uns geschickt. Ça veut dire aussi rien que nous séparer de la vérité parce que c'est Jésus-Christ qui nous a envoyés. Nothing can separate us from Christ. Nichts kann uns trennen von Christus. Rien peut nous séparer de Jésus-Christ. You know, a lot. Until you are in Christ, you cannot even understand us. Erst wenn du in Christus bist, wirst du uns verstehen können. Parce que juste assez que tu es en Christ, c'est là où tu vas être capable à nous comprendre. The flesh can never understand the things of the spirit. Das Fleisch kann die Dinge des Geistes niemals verstehen. 1 Corinthians 2. Lesen wir in 1. Korinther 2. Et puis à 1 Corinthiens 2 nous dit que la chair ne peut pas comprendre les choses surnaturelles ou bien spirituelles. Amen. So the natural man know the things of the spirit. Der natürliche Mensch kennt because they are spiritually discerned. Weil sie nur geistlich beurteilt werden können. Et puis la Bible nous dit que l'homme naturel ne peut pas comprendre les choses naturelles parce que les choses naturelles doivent être mesurées ou bien jugées par l'esprit. You know, through your love, what you desire, what you hate. I know who you are. If you belong to Christ or still of this world, what you value. Das, was wir wertschätzen, das, was wir suchen, das, was wir... Was wir wollen, daran sehe ich, ob wir zu Christus gehören oder nicht, was wir wertschätzen. Et puis tout ce que tu aimes, tu désires, ou bien tu apprécies, ça me montre si tu appartiens au monde ou bien à Jésus-Christ. Praise the Lord. Amen. Go back to Luke 14, please. Lucas 14. On rentre à Luc 14. If any man come to me and hate not his father, please, you know... The Bible studies yesterday. No, please. I don't know. Please direct Esther to go to this very place. Amen. Amen. Amen. Amen. And that she can see that it's Christ Himself that said there is separation. Until you are separated from the flesh, you don't belong to Him. Yeah. Leitet Esther bitte auf diese Bibelstelle, damit sie wirklich versteht, dass. Ist wirklich Christus ist, der sagt, dass wir halt uns einfach von dem Fleisch trennen sollen, dass es halt nicht von Menschen ist. Et puis aidez aussi votre sœur à comprendre que c'est pas moi qui a choisi ce verset biblique, mais c'est la Bible qui dit que nous devons se séparer de notre famille naturelle pour gagner Jésus-Christ. She is not only the one that you know that is able to know everybody. It's for all of us. Geht nicht nur für sie, sondern es geht für jeden von uns. C'est pas seulement pour votre sœur, mais c'est pour nous tous ici dans l'église. Amen. Amen. You know, people don't know. You know, somebody can say you love the mother, the father more than we even love them. You don't love them. Amen. You don't love them. You don't love them. It's only through Christ you can love. Und it's true love. Leute können sagen, ja, ich liebe meine Familie mehr, als ihr meine Familie liebt und deswegen bin ich so, wie ich bin. Aber das ist keine wahrhaftige Liebe. Die wahrhaftige fake Liebe love. Ist nur die Liebe von Jesus Christus. Jegliche andere Liebe that's ist eine so verfälschte Liebe, eine selbstsüchtige that's Liebe. So evil. Eine bösartige Liebe. Et puis il y a des gens qui disent aussi, par exemple, bon, moi j'aime j'aime ma famille plus que vous l'aimez. Mais le problème est que cet amour, ce n'est pas le vrai amour, c'est l'amour de la chair, c'est l'amour qui se concentre seulement de toi-même. All you want is for them to sing your praise. Aber was wir damit wirklich wollen, ist eigentlich nur, dass man uns feiert, dass man uns gut findet. Dass unsere Familie uns feiert, dass unsere Familie uns gut findet. I say how you love them, and choose them, und and reject Christ. Über unsere Liebe für sie prahlt, die wir ihnen geben und dabei Christus verweigern. Parce que beaucoup de gens veulent seulement que la famille naturelle chante la louange de la personne, puis ça montre aussi que tu préfères de rejeter Jésus-Christ puis la vérité pour gagner leur louange. You better repent. Sie müssen ihr Buße tun davon. Mais tu dois te repentir. You are digging your grave and even their grave. Weil wir damit unser eigenes Grab graben und das Grab unserer Mitmenschen. Parce que comme ça, tu creuses ta tombe puis tu leur tombe aussi. It is only things with Christ that is... That is well protected. Nur die Dinge, die only bei Christus things with Christ. Hinterlegt sind im Schutz von Christus. Wenn die Dinge nicht in seinem Schutz sind, sind sie offen. Et puis tout ce qui est en Jésus-Christ, toutes les choses qui sont en Jésus-Christ sont bien protégées, mais tout ce qui est à part de Jésus-Christ, c'est nu, c'est pas protégé. Do you know how you give things to Christ? By choosing Christ. Nehmen wir Christus wie an. Are you getting Amen. It? By choosing Him. That's how you submit things to me. Dinge It's not by singing out, singing song, praising. Don't. Satan is not afraid of those things. Choose Christ. And Satan is the, Satan kingdom is shaking. Mm-hmm. You can see the flesh weeping and regretting. Wir übergeben Dinge Jesus, indem wir Jesus wählen. Und damit erschüttern wir das Königreich des Satans. Wir erschüttern das Königreich des Satans nicht durch Gesang, durch Worte, sondern durch Werke, die in Christus geschehen, indem wir dem Herrn vertrauen und glauben und deswegen ihm alles übergeben. Et la façon comment tu soumets tout à Jésus-Christ, c'est par choisir, quand tu choisis Jésus-Christ, parce que c'est comme ça que le royaume du diable est en train de trembler, c'est comme ça que les démons, puis le diable lui-même, ils n'ont même pas l'autorité de venir dans ta vie pour détruire tes propriétés. You know, I said that, when the Lord said this ministry to start, I questioned, I was always saying, why? But through the message, and I say, Father, thank you for the ministry. Durch die Botschaft, durch die Wahrheit in der Gemeinde habe ich verstanden, weshalb die Gemeinde da ist. Und da war ich auch dankbar für diese Gemeinde. Vorher habe ich den Sinn dieser Gemeinde nicht verstanden, nicht gewusst, weshalb das soll, weshalb es noch eine Gemeinde geben soll, wenn es doch schon so viele gibt. Je dois encore ouvrir une autre église. Il y a beaucoup d'églises dehors. Mais après, quand j'ai reçu tous ces messages, puis la vérité, là, j'ai compris pourquoi. Puis j'ai aussi remercié Dieu. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. And that's why if God says something to you, don't question it. Also, wenn Gott dir etwas sagt, stell es nicht in Frage. Er weiß, wovon er redet. Amen. Et puis quand Dieu te révèle quelque chose, te dit quelque chose, il faut jamais douter parce qu'il sait pourquoi il te dit ça. If you really heard his voice, don't question it. Wenn du wirklich seine Stimme gehört hast, dann stell ihn nicht in Frage. Et puis quand tu as écouté sa voix, Amen. Ne doute pas. Just obey that voice. Gehorche dieser Stimme. The voice of Christ. Die Stimme von Christus. Et puis tu dois seulement obéir à la voix de Jésus-Christ. It might take time before you understand it, but obey. Vielleicht braucht es Zeit, bis du es verstehst, aber gehorche der Stimme und bewege dich weiter voran. Et peut-être tu vas voir beaucoup, tu vas te prendre du temps pour comprendre pourquoi Dieu t'a dit ces choses-là, mais toi tu dois seulement obéir et puis faire ce qu'il t'a dit. Because then I thought churches are everywhere. Why should I even start? Everywhere is church. Where? Thank Jesus for this ministry. Und so war es halt auch bei mir, dass ich halt das nicht verstanden habe. Und ich hätte auch wegen diesem Nicht-Verstehen einen Rückzieher machen können. Aber ich habe im Glauben habe ich das durchgezogen und bin weitergegangen mit Jesus. Und heute danke ich Jesus für diese Gemeinde. Maintenant je dis merci, je remercie Jésus-Christ pour cette église parce que c'est maintenant où j'ai compris pourquoi il voulait que j'ouvre cette église. Mais au début c'était très difficile pour moi, mais quand même j'ai obéi à sa parole. I really thank him that I obey his voice. Ich danke ihm, dass ich ihm dass ich seiner Stimme gehorcht habe, obwohl ich es am Anfang nicht verstanden habe. Je remercie Dieu que j'étais capable à obéir à sa voix, bien que je n'avais pas compris le message, mais la raison. Praise the Lord. Hallelujah. If animal come to me and hate not his father and mother and wife and children and brethren and sisters, yea, and his own life also, he can't, until you hate your life, you cannot tell them the truth. Erst wenn wir unser eigenes Leben hassen, werden wir in der Lage sein, egal wem wer vor uns steht, die Wahrheit zu sagen. Et puis la Bible de Dieu aussi à nous détester nous-mêmes. Et puis quand tu te détestes, tu te soumets à Jésus-Christ et puis tu préfères Jésus-Christ que ta propre vie. C'est là où tu seras aussi capable à dire la vérité à ta famille. Until you hate your life, you can never choose Christ. You continue to choose them. Erst wenn wir das Leben hassen, werden wir uns für Christus entscheiden können. Das werden wir immer diese Welt wählen, immer die Menschen wählen. Et puis jusqu'à ce que tu détestes ta propre vie, c'est là où tu vas être capable à choisir Jésus-Christ puis à dire la vérité. Then he now says, he cannot be my disciple. Disciples and sons. We are sons, I'm not just disciples. Wir sind Söhne und nicht nur Jünger. Et puis en verset 17, Jésus dit, celui qui ne porte pas sa croix ne peut pas être mon disciple. Et puis nous ne sommes pas seulement des disciples, mais nous sommes aussi des fils. You know, if you can say this for because of the disciple, how much more that of the son? Wenn er das wegen den Jüngern sagen konnte, wie viel mehr gilt das für seine Söhne? Si Jesus Christ est déjà capable à dire que tu peux pas être son disciple si tu soumets pas tout à Jésus Christ, là ça va être aussi comment quand il parle maintenant de ses enfants, ses fils. Praise the Lord. Alléluia. And whosoever doth not bear his cross and come after me cannot be my disciple. Praise Jesus. Alléluia. Then from there, you now talk about you prepare your heart before you even come. Und ab dann spricht er davon, dass er halt sagt, dass wir unser Herz vorbereiten müssen, bevor wir ihm nachfolgen können. Et dans verset 28, il commence aussi à parler de notre cœur, qu'on doit préparer nos cœurs pour venir vers Jésus-Christ. Because everything they are going to change. Denn alles wird sich verändern. Everything. Alles wird sich verändern, nicht nur einiges. If any man be in Christ, it's a new... Denn wenn niemand in Christus ist, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, alles ist neu geworden. Et Jésus-Christ, il parle aussi du changement de notre vie, parce que chaque personne qui est maintenant en Christ est une personne nouvelle. Tout a changé. You know, Christ alone will now be all for you. Christus allein wird dann alles sein für dich. Parce que Jésus-Christ lui-même, il va être ton tout pour toi. Il va être au milieu puis au centre de ta vie. Just like John, you know, just like God alone was all for Adam before the fall. Gott alleine, alles war für Adam vor dem Sündenfall. God alone. Gott allein. We are back to that position. Wir sind zurück zu diesem, bei diesem Punkt, an diesem Startpunkt. Christus. Et dans Genèse, on voit aussi que Dieu a été tout pour Adam. Dieu a été mère et père d'Adam. Et puis nous aussi, nous sommes maintenant rentrés dans la position où, comme au début, que Jésus-Christ est tout pour nous. You know, Jesus coming as a son. He came to teach us how to live as sons of God. Dass Jesus als Sohn Gott macht zeigt, dass er uns wahr ist, weil uns zu zeigen, wie als Söhne Gottes leben sollen. Et, quand Jésus-Christ était ici sur terre, il nous a montré comment vivre en tant que fils. Praise the Lord. Hallelujah. We have also been here several times that we should go there. Amen. Mm-hmm. For those that are Thomas. Wir waren schon öfters hier, aber wir sollten hier nochmal hingehen für die Leute, die Thomas sind, die noch am Zweifeln sind und noch erstmal Beweise brauchen, um dann zu glauben. Until I see it, I will never believe. Dass erst wenn sie es sehen, dann glauben sie. Et puis maintenant, on va lire aussi Matthieu 12 pour les gens qui sont comme Thomas. Thomas a été un disciple qui doutait beaucoup et puis il disait toujours que je ne vais pas croire jusqu'à ce que je vois. You know, I don't need to see it before I believe. The centurion faith, remember. Say the word alone. It's already done. It's a done deal. It's true. Just speak. It's finished. Et moi aussi, je n'ai pas besoin de voir pourquoi, parce que je crois ce que Jésus-Christ dit. Quand il dit quelque chose, c'est déjà accompli. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. You know, you better learn to have that faith, the centurion faith. That believe so much that I don't need to see it before I believe. Diesen Glauben zu haben, dieser römische Hauptmann, der nicht erst sehen muss, um es zu glauben. Et puis, vous devez aussi avoir la foi comme le Romain. L'homme romain de dans la Bible qui n'avait pas besoin de voir, mais pour lui ça c'était suffisant d'écouter la parole de Jésus-Christ. Look at those that Jesus called his families. Regardez ce que Jésus-Christ appelle famille. You know, in him is a change of everything. Once you come to him, that's why it is risky. Deswegen ist es riskant. Et quand tu viens vers Jésus-Christ, tout va changer. C'est très risquant. Amen. Amen. And as you're coming to Him, you have, you know, those things you love that you don't want to leave. You must. They must go. Except if you are not there with Him. If it is not Him, diese Dinge werden must, auch gehen. Must. Es ist ein Muss. Et puis c'est pourquoi c'est tout ce que tu aimes dans la chair, ça va te quitter, ça va changer. Et puis c'est une obligation, même si tu ne veux pas. Because those things are darkness. Darkness and light can never move together. They cannot be one. Denn Dunkelheit und Licht können nicht zusammengehen, sie können nicht eins sein. Parce que ce que tu aimes dans la chair, c'est comme les ténèbres, puis la lumière, puis les ténèbres, on ne peut pas fonctionner, puis réagir ensemble. From verse 46. It said, while he yet talked to the people, behold, his mother and his brethren stood without, desiring to speak with him. You know, people believe that they love their parents more than Jesus loved his mother. Leute glauben, dass sie ihre Eltern halt mehr lieben, als Jesus seine Mutter geliebt hat, weil Jesus anscheinend nicht seine Mutter geliebt hat. Et puis, on, ici, verset 46, on lit, Jésus parlait encore à la foule lorsque sa mère et ses frères arrivent. Ils se tenaient dehors et cherchaient à lui parler. Et puis, beaucoup, les gens pensent qu'ils aiment leurs parents plus que Jésus-Christ aimait sa mère. Allow me to introduce Jesus to you. He is love. Aber dann will ich euch Jesus kurz vorstellen. Er ist Liebe. Et puis, laissez-moi vous introduire Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ est l'amour. He is love. Er ist Liebe. Jésus-Christ lui-même est l'amour. Praise the Lord. Hallelujah. While he yet talked to the people, behold, his mother and his brethren stood without, desiring to speak with him. Then one said unto him, behold, your mother and your brethren stand without, desiring to speak with thee. But he answered and said unto him that told him, who is my mother and who are my brethren? Praise the Lord. Hallelujah. He came to teach us how to live as a son of God. Er ist gekommen, um zu zeigen, wie wir als Söhne Gottes leben. Verset 47 et 48, quelqu'un dit à Jésus, écoute, ta mère et tes frères se tiennent dehors et désirent te parler. 48, Jésus répondit à cette personne, qui est ma mère et qui sont mes frères? Donc Jésus-Christ est venu pour nous montrer comment vivre comme des fils. Christ's family, they are my family. Die Familie von Christus ist die natürliche Familie. Et les enfants de Dieu, c'est eux qui sont ma famille en Christ et puis ce ne sont pas mes familles naturelles. Praise the Lord. Yeah. And he stretched forth his hand, verse 49, toward his disciples and said, behold my mother and my brethren, for whosoever shall do the will of my Father which is in heaven, the same is my brother and sisters and mother. Praise the Lord. Yeah. I don't know how many times we have to go through and go through and go through. Weißt, wie oft wir das durchmachen gehen müssen, bevor wir das endlich verstehen. Verset 49 à 50. Puis il désigna de la main ses disciples et dit, voyez, ma mère et mes frères sont ici, car c'est lui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux et mon frère, ma sœur ou ma mère. Praise the Lord. Alleluia. Please get it. Versteht das bitte. Vous devez le comprendre. Amen. Amen. Get it. Don't be like the disciples. You know, Jesus, he was always revealing to them that he will die and in 3 days' time he will be up. He will come back. He will come back. You know, then how many of them believe? Almost nobody. Seid da bitte nicht so ignorant, wie die Jünger es waren, als Jesus immer wieder davon erzählte, dass er sterben würde und in 3 Tagen auferstehen würde, aber die Jünger es nicht verstanden haben und immer wieder hinterfragt haben, was es zu bedeuten hat und das nicht annehmen wollten und nicht glauben konnten oder wollten. Wir dürfen halt nicht in diesem Fall, was Familie und unsere Vergangenheit angeht, also auch so sein. Et ne soyez pas comme les disciples qui n'ont pas cru que Jésus-Christ va ressusciter, parce que Jésus-Christ a toujours révélé qu'il va, il va ressusciter, mais presque personne avait cru à la parole de Jésus-Christ. Et c'est comme ça aussi avec nous, avec la famille, puis avec notre vie en général. Quand Jésus-Christ nous dit quelque chose, il nous révèle quelque chose concernant notre famille ou bien notre vie, on doit vraiment croire et faire confiance. Amen. Amen. You know, coming to Christ is so risky. Zu Christus zu kommen ist sehr riskant. Wenn niemand That's what he said. Et puis, venir vers Jésus-Christ, c'est vraiment risquant. Because there's going to be a change of love. Weil es wird eine Veränderung geben von der Liebe, die wir zu Leuten haben. Parce que ton amour que tu as envers les gens, ça va changer. What you used to love. Was wir geliebt you haben. No longer loved it. Wenn wir nicht mehr lieben. Ce que tu aimais, tu vas plus aimer. There's going to be a change of hate. What you used to hate. The people you used to hate. You know how I hate Christ people before. Wenn ihr wüsstet, wie sehr ich Kinder Gottes gehasst habe früher. Oui, la haine que tu avais envers les gens, ça va changer aussi. Et puis si vous savez comment j'ai détesté les enfants de Dieu comme Paul avant, maintenant tout a changé. So wie Paulus. Amen. Remember Paul. Amen. When he was Saul. Als noch Saulus war. Killing God's people. Und Kinder Gottes getötet hat. The hatred was so heavy. Dieser Hass in ihm war so groß. Et puis aussi comme avec Paul. Paul avait, quand il était seul, Saül. Il détestait les enfants de Dieu, il a persécuté les enfants de Dieu, mais après avoir reçu Jésus-Christ, il a commencé à aimer les enfants de Dieu. Things he used to hate, now he loved it. Dinge, die er früher gehasst hat, liebt er jetzt. Er liebt jetzt die Kinder Gottes. Et les choses qu'il détestait, il commençait à l'aimer. You know, once you come to Christ, there is a change, you know. He changed a robber to now become a giver. A thief to become a giver. There's always a change. Dass ein Dieb zu einem Geber wird. Et puis, Jésus-Christ change tellement de gens qu'un voleur devient un donneur, une personne qui aime à donner. Praise the Lord. Et puis, on le voit aussi dans Ephésiens 4. You know things. You know things that give you joy before. They no longer give you joy. Haben, you know everything. Alles. Et puis les choses qui te donnaient la joie, ça te donne plus la joie. Before we go to that of joy, look at this. You know the song we normally sing. We always sing here. Die Lieder, die wir hier immer singen. Great change is I born again. Eine große Veränderung, seitdem wir wiedergeboren worden sind. Et puis, il y a une chanson, let us sing it. Ça toujours, on chante toujours. Il y a un grand changement depuis que je suis née de nouveau. Praise the Lord. Alléluia. Great change since I'm born again. Alléluia. Great change since I'm born again. Love to love, I love them no more. Hallelujah. Things I used to love, I love them no more. Great change since I'm born again. There is a great change since I'm born again. People I used to hate, I hate them no more. Hallelujah. People I used to hate, I hate them no more. Great change since I'm born again. There is a great change since I'm born again. Continue to sing it. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Il y a un grand changement depuis que je suis née de nouveau. Tout ce que je détestais, je commence à l'aimer. C'est ça ce qu'on vient de chanter. What used to give us joy. Was uns Freude früher gegeben hat. Tout ce qui me donnait la joie. Is no longer the same that gives us joy today. Ist nicht mehr das, was uns heute Freude gibt. Amen. C'est plus laquelle qui me donne la joie. Today is the joy of Christ. Heute ist die Freude von Christus. Aujourd'hui, il s'agit de la joie de Jésus-Christ. Amen. Amen. It is the joy of my name is written in heaven. Es ist die Freude darüber, dass mein Name im Himmel geschrieben steht. Amen. Ma joie est que mon nom a été écrit au ciel. And not the joy of I passed my exam. Und nicht die Freude darüber, dass ich meine Prüfung bestanden habe. Amen. Es ist die Freude, dass ich passe mes examens. And not the joy that you know the doctor's report is so good. Oder die Freude darüber, dass der Arzt better. Sagt, dass es besser wird, oder dass ich vollkommen gesund bin. Ou bien ma joie est pas aussi que le report du docteur sont positifs. Praise the Lord. Hallelujah. You know, coming to Christ is so risky because there's going to be a change of peace. Weil zu Christus zu kommen ist riskant. Es wird eine Änderung deines Friedens geben. Amen. Et puis quand tu viens vers Jésus-Christ, C'est aussi très risquant parce que même ta paix va aussi changer. On va lire maintenant Jean 14. Jesus said his peace is different from the peace of this world. Amen. Jésus sagt, sein Friede ist anders als der Friede dieser Welt. Et puis Jésus-Christ nous dit que sa paix est différente comparée avec la paix de ce monde. Amen. Amen. Yes. You know their peace is when doctors say everything is good. Ihr Frieden ist, wenn der Arzt sagt, dass alles gut ist. Leur paix est quand le docteur dit que tout va bien. And no bills are coming. Ou dass keine Rechnung ist. Mais qu'il n'y a pas de facture. Praise the Lord. That's why their peace is, you know, it's just is so temporary. Deswegen ist ihr Friede so zeitlich. Et c'est pourquoi aussi leur paix est sont temporaires. If you are looking for peace, come to the Prince of Peace. Wenn Amen. Du nach Frieden suchst, komm zum Frieden first. Et quand tu cherches la paix, viens chez le Prince de la paix. There is no peace without the Prince of Peace. Es gibt keinen Frieden ohne den Frieden first. Parce que sans le Prince de la paix, il y a pas la paix. The peace without the Prince of Peace, without Christ Jesus, is fake peace. Ein Frieden ohne den Friede first ist ein falscher Friede. Parce que la paix sans Jésus-Christ, c'est une paix fausse. 27. It's a peace I live with you. My peace I give unto you. You see it there, my peace. Mein Frieden. I have my own kind of peace. Ich habe meinen eigenen Frieden. C'est la paix que je vous laisse. C'est ma paix que je vous donne. The peace that situation can never control. That is Frieden, the peace. Christ der peace von the Situation nicht kontrollieren werden kann. Gave us a change of peace. Eine Änderung unseres Friedens. Amen. La paix que n'importe quelle situation ne peut pas changer. Parce que la paix, c'est de Jésus-Christ. Peace I live with you. My peace I give unto you. Not as the world give it. Give I unto you. Let not your heart be troubled. Neither let it be afraid. Je ne vous la donne pas à la manière du monde. Ne soyez pas inquiets. Ne soyez pas effrayés. Praise the Lord. Hallelujah. Coming to Christ is risky. Zu Christus zu kommen ist riskant. Venir vers Jésus-Christ est risquant. There's going to be a change of motive, value, desire. Motive werden sich ändern, Wünsche werden sich ändern. Parce que tes motifs, tes désirs, tes valeurs vont changer. Amen. Amen. Your motive is no longer the old motive. Dein Motiv ist nicht mehr das alte Motiv. Ton motif est plus l'ancien motif. You know what you know, no, the old desire. Die alten Wünsche. Tes anciens désirs ne sont plus aussi la même. What Satan desire for you, you no longer desire them. Was der Satan für dich wünscht, wünschst du dir nicht mehr. Tu sais que le diable désire pour toi, tu ne désires. Your value. Die alten Werte. Die valeurs anciennes. You know you now have the new value. What you now value. Werte? You follow Christ, I'm nothing else. Ich schätze jetzt Christus und nichts anderes. Maintenant tes valeurs sont nouveaux, puis ta valeur est Jésus-Christ. Praise the Lord. Hallelujah. You know, coming to Christ is risky. There's going to be a change of what we see, what we hear, and what we believe. Es wird eine Änderung geben von dem, was wir glauben und was wir sehen. Et quand tu viens vers Jésus-Christ, tout ce que tu vois et puis tu écoutes, tu attends, tout ça va changer. Praise the Lord. Hallelujah. Remember Jairus' daughter. Erinnert euch an die Tochter von Jairus. C'est comme si avec la fille de Jairus. Okay. This man came to Jesus. Okay. Dieser Mann ist zu Jesus gekommen. Et puis l'homme est venu vers Jésus-Christ. Amen. You know, Jesus, you know, they're on their way going to where the child was. You know, and you know, somebody said that child is already dead. They heard something. There's a change of what you hear once you come to Jesus. You no longer hear the evil they speak. You hear Christ. Amen. Und auf dem Weg dahin hat jemand gesagt, dass die Tochter schon tot ist, aber Jesus hat das nicht, hat darauf nicht gehört. Und genauso ändert sich, was wir hören, wenn wir bei Jesus sind, wenn wir zu Jesus kommen. Et quand la fille de Jairus était malade, il y avait une personne qui avait dit, ah, ta fille est déjà morte. Amen. Mais Jésus-Christ n'avait pas écouté ou bien entendu ce que la personne avait dit, mais il connaissait la vérité. Even the old, you know, Elisha. Yeah, Elisha. Amen. Amen. You know Elisha and the Syrian army. There's a change of what he saw. Amen. He was not seeing the Syrian. He was seeing the host of angels. Und das Gleiche ist auch im Alten Testament zu sehen, dass Elijah nicht die syrische Armee gesehen hat, sondern die himmlischen Soldaten, die hinter ihm standen, die in der Überzahl waren. Alles wird sich ändern, wenn du zu Jesus Christus gehörst. Et même aussi dans l'Ancien Testament, on voit aussi que, par exemple, Élisée, lui, au lieu de voir l'armée syrienne, il voyait la foule des anges qui entourait Élisée. You know, once you come to him, you are there's going to be a change of what you believe. You know, we normally believe that, you know, fighting the family is normal. Mm. But, you know, in Christ Jesus is evil. Mm. Aber es wird sich auch genauso ändern, was Christ wir glauben. Christ is in the midst, you know, there's no fight. Weil wir werden nicht mehr die Prinzipien dieser Welt glauben, dass es normal ist, dass Streit und Zank und in der Familie ist, sondern wir werden glauben, dass der Friede von Christus herrschen wird und herrschen soll, dass das unser Standard ist und nicht die Welt. Et dans ce monde ici, c'est normal que des familles se disputent, mais normalement, c'est pas normal parce que quand Jésus-Christ est au milieu de la famille, il n'y a plus des disputes, mais des discussions. Praise the Lord. There's going to be a change of what you believe. Es wird eine Änderung geben von dem, was du glaubst. Et ta foi va aussi changer. You are not going. No, you are no longer going to believe. You are going to be saved. You are going to believe that you are already saved. Amen. Du wirst nicht mehr glauben, dass du errettet wirst, sondern dass du errettet bist. Amen. Et puis tu vas plus croire que tu vas être sauvé, mais tu vas croire que tu es déjà sauvé. Amen. You are not going to believe that you are going to be healed. You are going to believe that you are already healed. Amen. Du wirst nicht mehr glauben, dass du geheilt wirst, sondern dass du geheilt bist. Amen. Et puis tu vas plus croire que tu seras guéri, mais tu vas croire que tu es déjà guéri. Praise the Lord. Amen. So on and so forth. You amen. You know, coming to him is a change of belief. What you believe. Zu ihm zu kommen ist eine Änderung von allem, was du glaubst. Et quand tu viens vers Jésus Christ, ce que tu crois va changer aussi. All things are going to change from lies to the truth. Alles wird sich ändern von Lüge zu Wahrheit. Tout va changer des mensonges à vérité. From the flesh to von the Fleisch spirit. Zu Geist. De la chair en esprit. Praise the Lord. Hallelujah. You know, remember John 14 verse 6. Christ said he is the truth. Johannes 14 Vers 6 sagt, Jesus Christus, er ist die Wahrheit. Amen. Jean 14, verset 6, Jésus-Christ dit que c'est lui la vérité. If you hate the truth, you hate Christ. Wenn du die Wahrheit hast, hast du Christus. Quand tu détestes la vérité, tu détestes Jésus-Christ. I mean what Christ called the truth. Das, was Christus die Wahrheit nennt. Et je parle de ce and not what you believe is the truth. Und nicht, was du glaubst, Wahrheit zu sein. Das, was du glaubst, qui est la vérité. Amen. Amen. You know, we prove all things in Christ. Wir prüfen alles in Christus und nicht im Fleisch. Et puis on juge tout en Christ et pas dans la chair. Amen. Amen. We prove all things. Wir prüfen alles. On juge tout. In Christ. In Christus. And not in flesh. Und nicht im it's Fleisch. Not the flesh proving you. The flesh can never prove you. Denn das Fleisch kann dich nicht prüfen. It's in, et puis on juge et puis, ou bien on vérifie tout it's en in Christ. First Corinthians 2. Let's go there. Amen. Look at it here. First Corinthians 2. They want to prove you. They can now prove you. Aber sie wollen nicht prüfen, aber sie können dich nicht prüfen mit dem Fleisch. Le monde veut te juger, mais te vérifier, mais il peut pas te vérifier avec la chair. 1 Corinthiens 2. 1 Corinthiens 2. 1 Corinthiens 2. Vers 15. Vers 15. Verset 15. He said, but he that is spiritual judges all things. Are you getting it? Mm-hmm. Yet he himself is not judge of no man. Mm-hmm. No man can prove you. No man can judge you. Except there is somebody that is in Christ that can judge you. In Christus kann man dich prüfen. Verset 15, l'homme qui a l'esprit de Dieu peut juger de tout, mais personne ne peut le juger. Donc ça montre que personne peut te juger s'ils ne sont pas des enfants de Dieu. No, verse 14 is very important also. It says, but the natural man receiveth not the things of the Spirit of God. Mm-hmm. For they are foolishness unto him. Yeah. You know, choose, you know, to choose Christ, to choose Christ and reject your parents. Ja, foolishness unto you, because you are a natural man. Eltern zu verlassen ist für den Menschen Dummheit, weil dieser Mensch nicht geistlich gesinnt ist, sondern fleischlich gesinnt. Et verset 14 nous dit que l'homme qui ne compte que sur les facultés naturelles est incapable d'accueillir les vérités communiquées par l'Esprit de Dieu. Elles sont une folie pour lui et lui et il lui est impossible de les comprendre car on ne peut en juger que par l'Esprit. Donc ça montre aussi que détester tes parents, c'est une folie pour les gens naturels. You know, your parents might be going to a church. Deine Eltern gehen vielleicht zur Kirche. Kirchengänger. Ils sont les gens qui partent à l'église. But they don't belong to Christ. Aber sie gehören nicht zu Christus. Ils n'appartiennent pas à Jésus-Christ. You know, if you are in the light, you cannot hide something from somebody that is already in the light. Wenn du im Licht bist, kannst du du kannst etwas du kannst nothing is hidden from somebody that is in the light. Wenn jemand im Licht ist, ist für ihn nichts verborgen. Er kann alles erkennen, weil er im Licht ist. Et quand tu es dans la lumière, tu peux rien cacher parce que tout est exposé dans la lumière, on peut tout voir. Praise the Lord. You know, going to a church does not make you a child of God. Zur Kirche zu gehen macht dich nicht zu einem Kind Gottes. Que tu pars à l'église, ça ne te fait pas un enfant de Dieu. Jesus said, until you are converted and be like a little child, you are not even there. Jesus sagt, erst wenn wir converted. He's not saying until you go to church. Erst wenn wir so werden, verwandelt sind, verwandelt werden und so sind wir dieses kleine Kind, dann sind wir Königreich. Er hat gesagt, erst wenn du zur Gemeinde gehst, dann bist du im Königreich. Et puis Jésus-Christ a dit jusqu'à ce que nous sommes convertis et puis nous sommes devenus comme les enfants, les enfants, c'est là où nous sommes arrivés, nous ne sommes pas encore arrivés. Donc ça veut dire qu'on doit être comme les enfants pour être sur place. You know, my mother go to church, my father go to church, my brother they go to church. You know, being going to church, it's like if you in the garage does not make you a car. Zu einer Kirche zu gehen, wenn wir sagen, dass unsere Eltern zur Kirche gehen, wenn wir zur Kirche gehen, das sagt das über ihre Errettung aus. Genauso wie wenn du in einer Garage stehst, bist du kein Auto. Et puis il y a beaucoup de gens qui disent que mes parents ils partent à l'église, mais c'est la même chose aussi avec ce, dans le monde naturel. C'est pas parce que tu es dans la garage, ça veut dire pas que tu es une voiture. I know churches. Ich kenne Gemeinden. Je connais les églises. Amen. Amen. I know religion. Ich kenne Religion. Je connais la religion. I know Christianity. Ich kenne das Christentum. Et je connais la religion chrétienne. Praise the Lord. Alleluia. Amen. Amen. You cannot tell me anything about them. Du kannst mir sie nicht sagen. I was there before. Weil ich früher ein Teil von ihnen war. Et tu n'as pas besoin de me dire quelque chose de les églises religieuses parce que moi-même j'étais là-bas. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. You cannot separate Christ from what Christ called the truth. Du kannst Christus nicht von dem trennen, was Christus Wahrheit nennt. Tu ne peux pas séparer Jésus-Christ de ce qu'il appelle vérité. He himself is the truth. Denn er selbst ist die Wahrheit. Parce que lui-même, il est la vérité. Praise the Lord. Amen. The Holy Ghost and the truth. Der Heilige Geist und die Wahrheit. Le Saint-Esprit et la vérité. You know, where was that? Last week we were in John 15. Letzte Woche waren wir bei Johannes 15. Semaine passée, nous étions dans Jean 15. You know, John 15, we read from verse 19 to the end. You know, that Christ help us to understand how the world hates him. Wie sehr die Welt Jesus hasst, die Wahrheit hasst und den Vater hasst. Et dans ce chapitre, nous avons vu comment les gens détestent la vérité, puis comment ils détestent aussi le Père. And you know, that same chapter 15, 9 to 17, we were also there. Und in diesem gleichen Kapitel 15 bis 19, da waren wir auch. Et puis, dans Jean 15, verset 15 jusqu'à 19, nous avons lu ça. And we read that it is a command from Christ that we love one another. Wir haben auch gelesen, dass es ein Gebot ist, des Herrn, dass wir einander lieben. Et on voit aussi que c'est un commandement que Dieu nous donne à aimer les uns les autres. Remember, he did not say trust one another. Er hat nicht gesagt, vertraut einander. Il n'a pas dit, faisait confiance. He said love. Sondern liebt einander. Il a dit, aimer. Praise the Lord. Hallelujah. Our trust in one another should be based on how we choose Christ. Einander zu vertrauen sollte darauf basieren, wie sehr wir Christus wählen. Notre confiance aux uns les autres, ça doit être basé sur comment on choisit Jésus-Christ. How we choose Christ and obey His voice. Unser Vertrauen basiert darauf, wie wir Christus wählen und uns auf ihn verlassen. Comment on choisit Jésus-Christ, puis comment on fait confiance à Jésus-Christ. I cannot trust somebody that keep on ignoring the voice of Christ. Ich kann nicht jemandem vertrauen, der immer wieder der Stimme des Herrn, rejecting His voice. Die Stimme des Herrn verweigert. I cannot trust you. It's not possible. Is somebody getting it? Et je ne peux pas faire confiance à une personne qui continue à ignorer la voix de Jésus-Christ. Praise the Lord. Amen. In that same chapter, verse 14, told us, help us to know how to be a friend of Christ. Auch in dem gleichen Kapitel lesen wir, wie wir Freunde von Jesus sind. Amen. Et au même chapitre, on apprend sur comment être un ami de Jésus-Christ. Jesus said, friends reveal Christ. To one another. Freunde offenbaren sich Christus. Friends love one another with God kind of love. Freunde lieben einander mit Gottes. Not with evil love. Nicht mit einer bösartigen the pity of this world. Nicht mit dem Mitleid dieser Welt. If somebody gets in it, you join evil. Und you compromise with evil. Gehen wir Kompromisse ein und fangen dann an, das Böse mitzumachen. Et les enfants de Dieu, ils aiment avec l'amour de Jésus-Christ, pas avec l'amour Chanel qui est God, let us go there and go to this verse 15. Praise the Lord. Amen. John 15. Johannes 15. Verse 15. Johannes 15, Vers 15. He said, henceforth, I call you not servant, for the servant knoweth not what his Lord doeth. But I have called you friends, for all things that I have heard of my Father, I have made known unto you. Friends, reveal Christ to one another. Love one another with God kind of love. Lieben einander mit der Liebe von Christus. Vers 15. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Les amis se font révéler Jésus-Christ. Friends reveal the spirit to one another. Freunde offenbaren sich den Geist. And not the flesh. Und nicht das Fleisch. Les amis se révèlent l'esprit et puis pas la chair. Friends reveal the truth to one another and not lies. Freunde to one another. Offenbaren sich die Wahrheit und nicht Lügen. Et puis ils se révèlent aussi la vérité, pas des mensonges. If you pity them with the pity of this world, you will be in lies. Wenn du sie bemitleidest mit dem Mitleid dieser Welt, wirst du in Lügen wandeln. Quand tu as pitié à cause de ce monde, là tu vas être dans le mensonge. You know Colossians 3 verses 16 and 17. He said we should do all things in Christ Jesus. Steht, dass wir alles in Christus Jesus machen sollen. Et Colossiens nous dit qu'on doit faire tout en Jésus-Christ. Amen. Amen. What Christ called it truth. Was Christus Wahrheit nennt, yes. Et puis c'est que Jésus-Christ appelle vérité. Do everything what Christ called it truth. Tu alles in dem, was Christus die Wahrheit nennt. Et puis tu fais tout ce que Jésus-Christ appelle vérité. You forgive people. You forgive them because the Lord has forgiven you. And now you forgive so that God will forgive you. That's the truth. You weil get it. Christus dir vergeben hat und nicht weil damit dir vergeben kann. Et tu pardonnes tes frères et sœurs parce que Jésus-Christ t'a pardonné, pas parce que tu vas être pardonné. Amen. Amen. The love that you love there is not the love to compromise with evil. It's the love that you reveal Christ to them. It might be bitter, it might be painful, but reveal it. Let them know it. Amen. Diese Liebe ist vielleicht bitter und schmerzhaft, aber lass sie wissen, weshalb du sie liebst und wie du sie liebst. Et l'amour de Jésus-Christ, ça veut dire pas que tu commences à faire des compromis, mais ça veut dire que tu lui révèles la vérité, même si ça fait mal au début. Remember Matthew 11. Matthäus 11. Matthew 11. Amen. Amen. You know, somebody was in problem. Jemand hatte Probleme. He was in trouble. Hatte Schwierigkeiten. Il y avait une personne qui avait des problèmes. And he sent two of his disciples to Jesus. Und er hat zwei seiner Jünger zu Jesus geschickt. Amen. Amen. He was in trouble. Big trouble. Probleme. Very big trouble. Et un gros problème. Dans Matthieu 11, on voit qu'il y avait une personne qui a envoyé deux disciples à Jésus-Christ. Let us go there. Amen. Yeah. Praise the Lord. Amen. Matthieu 11. Amen. I hope you already know the person. Mm-hmm. Amen. Yeah. And it came to pass, when Jesus had made an end of commanding his 12 disciples, he departed thence to teach and to preach in their cities. To teach and to preach. He was a teacher. Er war ein Christ Lehrer. Was a teacher. Jesus war ein Lehrer. Amen. Verset 11. Lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour aller enseigner et prêcher dans les villes de la région. Jésus-Christ était quelqu'un qui enseignait puis qui prêchait. Verse 21. He said, now when John had heard in the prison the works of Christ, he sent two of his disciples and said unto him, art thou he that should come? Or do we look for another? Jesus answered and said unto them, go and show John again those things which you do hear and see. You know, Jesus never come to the level, to the standard, the level of this world. Jesus kommt nicht auf das Level dieser Welt. Si on lit verset 2 jusqu'à 4, on va voir que Jésus-Christ ne descend pas au niveau de ce monde. Yes. Amen. He never come to their standard. For him, that the standard, heavenly standard, is where he belongs. And that is where you belong also. Obwohl er auf dieser Welt war, hatte er nicht den Standard dieser Welt. Und genauso sollen wir auch sein, dass wir zum Himmlischen gehören, obwohl wir hier sind. Et le niveau du Christ et puis le standard du Christ, c'était jamais comparé avec de ce monde. Et puis c'est comme ça, sinon, si on doit être comme Jésus-Christ. Please read here the whole of 11. Lies bitte as Matthäus 11 als eure Hausaufgabe. Matthäus 11. Kommt der Herr. You know, Jesus revealed the spirit to John and not the flesh. Jesus hat Matthäus, nee, Jesus hat Johannes den Geist offenbart und nicht das Fleisch. Jesus Christ a révélé Jean-Baptiste l'esprit et pas la chair. You know, the flesh could have been, oh, we are sorry, we are coming to free you. I come, you know the flesh. Er kennt das the Fleisch. Pity of this world. Das Mitleid dieser Welt. Somebody was about to be killed. Jesus did not pity him with the pity of this world. Jesus he referred him ihn nicht to bemitleidet the truth. Mit dem Mitleid dieser Welt, sondern hat ihn auf die Wahrheit verwiesen. Et Jésus-Christ, il n'a pas réagi dans la chair, il n'a pas dit, oh, laisse-moi aider, ou bien délivrer Jean-Baptiste de la prison, mais il a toujours donné Jean-Baptiste la vérité, mais pas la pitié de ce monde. He did not say we would pray for him so that they will not kill him. Er hat nicht gesagt, was wir für ihn beten, damit er nicht getötet wird. Il n'a dit qu'on ne va pas prier pour Jean-Baptiste pour qu'on ne tue pas. He revealed the truth and not the lies of this world. Er hat die Wahrheit offenbart und nicht die Lügen dieser Welt. Et puis il a révélé la vérité puis pas le mensonge de ce monde. He refused to pity John with the pity of this world. Er because the geweigert, pity of this world is evil. Johannes zu bemitleiden mit dem Mitleid dieser Welt, denn das Mitleid dieser Welt ist bösartig. Et puis il a refusé à pitié Jean-Baptiste avec le pitié de ce monde parce que le pitié de ce monde est mauvais. You know, the truth might be bitter, but it is salvation. Amen. Die Wahrheit ist vielleicht bitter, aber es ist Errettung für sie. Et la vérité, ça fait mal, mais c'est la libération pour eux. It might be bitter, but Jesus in John 8 called it freedom. That's the es truth. Ist vielleicht bitter, aber Jesus nennt es in Johannes 8 Freiheit. Amen. Et la vérité, peut-être ça fait mal, mais Christ l'appelle liberté. Praise the Lord. Oh, yeah. But we know that the world, they love bondage, they love lies. Aber wir wissen, dass die Welt Gefangenschaft liebt. Lügen liebt. On sait que le monde aime la captivité. But we love you more than you think. We aber will keep on wir lieben dich mehr, als du denkst, wenn wir dir weiter die Wahrheit sagen. Mais parce que on t'aime, c'est ça pourquoi on va continuer à te révéler la vérité. Praise the Lord. The truth might be bitter. Die Wahrheit ist vielleicht bitter. But love them and give it to them. Aber lieb sie dennoch. Et peut-être la vérité est amère, mais tu dois continuer à les aimer puis lui dire la vérité. You know how you love them. Aber weißt du, wie du liebst, indem du in die Wahrheit offenbarst, in Christus gibst. Look at John, look at Mark 10. Here is so popular with us also. Mark 10, verse 21. Markus 10. Et la vérité, c'est ça, la liberté qu'on le voit aussi dans Marc 10, verset 41. Then Jesus, beholding him, loved him. Is somebody getting something here? Mm-hmm. Amen. Amen. Jesus loved him and not hate him. He is speaking and not nicht gehasst. He's got to release the bomb. Obwohl die Bombe jetzt vielleicht platzt. Verset 21. We release bomb, Baptist, for love. Wir lassen eben diese Bomben platzen, diese Wahrheit. Wir blessen, aber es ist Liebe und nicht Hass. Verset 21, Jésus le regarda avec amour et lui dit. Donc ça montre que Jésus te regarde avec l'amour, mais il va te dire aussi la vérité. He said that Jesus, beholding him, loved him, and said unto him, one thing thou lackest, go your way, sell whatsoever thou hast, and give to the poor, and thou shalt have treasure in heaven. And come, take up your cross and follow me. Verse 22. And he was sad at that saying and went away grieved, for he had great possessions. Praise the Lord. Hallelujah. The truth makes them sad. Die Wahrheit macht es traurig, aber es ist dennoch Wahrheit. Verset 21 à 22. Jésus regarda avec amour et lui dit, il te manque une chose. Va vendre tout ce que tu as et donne l'argent aux pauvres. Alors tu auras des richesses dans le ciel. Puis viens et suis-moi. 22. Mais quand l'homme entendit cela, il prit un air sombre et il s'en alla dans, tout triste parce qu'il avait des grands biens. Donc la vérité rend les gens tristes, mais ça me fait la liberté. You know, this man might not see that love. He might not see it as love. What Jesus revealed to him, told him. Amen. He might not even see it as love, but as hate. Er sieht es vielleicht nicht als Liebe, sondern als Hass und denkt, okay, diese Person möchte mir alles wegnehmen, was ich habe, was ich mir erkämpft habe, was ich mir verdient habe. Et pour l'homme riche, la parole de Jésus-Christ semble comme la haine, mais c'est l'amour. It is only through the Holy Ghost that you can see what Christ, you know, everything of Christ as love. Nur durch den Heiligen Geist können wir erkennen, dass alles, was von Christus ist, Liebe ist und nicht Hass. Et puis seulement à travers le Saint-Esprit, on peut comprendre que tout ce que Jésus-Christ dit est l'amour et pas la haine. You know, here, the Bible says Jesus loved this man. And not Jesus loved himself. He loved this man. Mm-hmm. If you love yourself, you cannot give them the truth. Und Jesus sagt dir ganz klar, er hat ihn geliebt. Er liebt ihn, das hat ihm die Wahrheit gesagt. Wenn du aber dich selbst liebst, wirst du den Leuten nicht die Wahrheit sagen können. Et aussi on voit que la Bible nous dit que Jésus a regardé l'homme avec amour, il n'a pas regardé lui-même avec amour. Donc ça montre, si tu aimes toi-même, là tu vas pas être capable à donner les gens la vérité. You know, we tell, we reveal the truth to you. You might see it as druck or whatever you call it. Wir offenbaren dir die Wahrheit, aber du siehst es vielleicht als Druck oder sonstiges. Aber das ändert nichts an der Wahrheit. Amen. Et nous, on te révèle la vérité, peut-être pour toi c'est la pression, mais ça va rien changer de la vérité. If it is druck and it druck those evil out of you, we are, it's a blessing. Wenn es ein Druck ist, it's der a truth. Für Sorgen, it should druck it, it should just push it out. Dass das Böse in dir ausgedrückt wird, dann praise the Lord. Et si ça te fait la pression, c'est mieux que tu as la pression pour que tout ce qui est en toi, ça sort. You know, it should drug the flesh out of you. Dieser Druck sollte das Fleisch aus uns herausdrücken. Et la pression, ça doit faire tout, ça doit faire tout sortir de ta chair. Remember Matthew 11, Jesus said, the kingdom of heaven suffer violence and violence take it by force. With drug, you take it. In Matthäus 11 lesen wir, if you take drug, don't take it. Von Gewalt, it's victory for die you. Das Königreich Gottes kind of fordert. Und dieser Druck wird kommen. Es ist der Druck von Christus, der das Böse aus uns heraus drücken wird, uns dazu bringen wird, Christus allein zu sehen. Amen. Et puis Matthieu 11 nous dit que seulement les gens qui prennent le royaume de Dieu avec violence, c'est eux qui vont oui, gagner le royaume de Dieu. Puisque comme ça, c'est avec Jésus-Christ que tout ce qui est pression en Christ, c'est même mieux que la pression de ce monde. We are so happy that if it is drug those demons out of you. Amen. Wir preisen den Herrn dafür, dass diese Vergangenheit aus uns herausgedrückt wird. Et puis vaut mieux avoir la pression du Christ qui va te libérer pour que tous les démons sortent de toi au lieu de la pression bien l'amour de ce monde. In verse 27 of Mark 10, verse 21 of Mark 10, he said, Jesus loved them. Just like we love you and reveal the truth to you. In Markus 10, 21 steht ganz klar, Jesus hat ihn geliebt und deswegen hat er ihn die Wahrheit gegeben. Deswegen lieben wir auch und geben die Wahrheit. Et dans verset 21, Jésus-Christ a regardé l'homme qui avec amour, puisque comme ça aussi nous on t'aime aussi, puisque c'est ça pour qu'on te dit la vérité. You know, coming to Christ is risky because he does not tolerate rival. Et puis venir vers Jésus-Christ c'est risquant parce qu'il ne tolère pas des adversaires. It must be only him alone. Es muss er allein sein. He does not tolerate rival. He's a jealous God. Er ist ein eifersüchtiger Gott. Er toleriert keine Konkurrenz. Et puis Jésus-Christ, Jésus-Christ est un Dieu jaloux. Puis il ne tolère pas. Adversaire. Les concurrences. Amen. Amen. In fact, one of his names is jealous. Seiner Namen ist Eifersucht. Let's go to Exodus 34. 2. Mose. Exodus 34. Praise the Lord. On va lire maintenant Exode, verset 34. 2. Mose 34. Vers 14. Verset 14. He said, for thou shalt worship no other God. For the Lord, whose name is jealous, is a jealous God. You see there? Mm-hmm. His name is jealous. Denn du sollst keinen anderen Gott anbeten, denn der Herr, dessen Name der Eifersüchtige ist, ist ein eifersüchtiger Gott. Amen. Praise the Lord. Verset 14. Vous ne devez adorer aucun Dieu étranger, car moi, le Seigneur, je m'appelle l'exigeant et j'exige d'être votre seul Dieu. No wonder Luke 14. Jesus said you have to hate all. Kein Wunder, Jesus sagt, du musst alles hassen. Et c'est ça, c'est pourquoi Dieu dit que tu dois tout détester. Because all the old, they are rival to him. Denn all das Alte ist ein Rival für ihn. Somebody getting it. Parce que tout est comme un adversaire, Jésus-Christ rival. Praise the Lord. Yeah. All the old, they are rival. Denn das Alte sind Rivalen für ihn. Et parce que tout est go to 2 Corinthians. Le rival pour Jésus-Christ. Praise the Lord. Yeah. Amen. Amen. 2 Corinthians 5, verse 17. Some of you already know where you are going. 2 Corinthians 5, verse 17. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. All things. Oh, they are rivals to Christ. Ein Rivale für Christus. And he tolerates them not. Und er toleriert das nicht. Amen. Dès que quelqu'un est uni au Christ, il est un être nouveau. Ce qui est ancien a disparu. Ce qui est nouveau est là. He said, behold all things, not some things. Alles, nicht einiges. Everything. Alles. Becomes new. Wird neu. Et puis la Bible nous dit que tout devient nouveau, pas seulement quelque chose. The old family. Die alte Familie. The old sibling. The old friend. Just name it. They all pass away. They pass away. They must pass away. Allow them to pass away. Lass zu, dass das vergeht. That's how you can be there for them. So kannst du wirklich für sie da sein. In Wahrheit für sie da sein. Et l'ancien famille et puis tout ce qui est ancien, ça a disparu. Puisque comme ça, comment tu es en Christ, quand tu acceptes maintenant le nouveau que Jésus-Christ a donné. Allow the old to pass away. That is how the Lord can save them. You don't love them more than the love love them. You don't, Christ loved them more than you love them. Allow him to save them. You cannot be their savior. Et puis tu dois aussi accepter que tout disparaît parce que tu ne peux pas être le sauveur de ta famille. Tu dois être capable à soumettre ta famille à Jésus-Christ. Et puis c'est comme ça aussi comment Jésus-Christ sera aussi leur sauveur. Praise the Lord. Alleluia. Your mother, your father, your brother, your sister, submit them to Christ by choosing Christ. That's how the Lord can be there for them. Two masters cannot be in a boat. Two roads can never be, can never make it right. If you keep on joining them, they will never inherit the kingdom of heaven. Denn zwei Meister können nicht untergehen. Du wirst sie zerstören, wenn du sie nicht Jesus Christus übergibst. Du bringst sie damit in Gefahr. Tu dois faire très attention parce que tu ne peux pas servir deux maîtres en même temps. Du bringst sie damit in Gefahr. Tu dois faire aussi très attention parce que tu ne peux pas servir deux maîtres et puis c'est aussi très dangereux pour eux parce que quand tu choisis pas Jésus-Christ, tu creuses aussi leur tombe puis tu ouvres aussi une porte pour le diable pour détruire leur vie. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. In 1 John 2, 15 to 17, it said the love of this world. Amen. First John 2. Amen. Amen. Praise the Lord. Et 1 Jean 2 parle aussi de l'amour mondain. It said love not the world, neither the things that are in the world. It's talking about, you know, love, you know, just like Jesus said in Luke 14. Don't love them. But he said hate them. Wir sollen die Dinge dieser Welt nicht lieben und hassen. 1. Johannes 2, Vers 15. Et puis on dit sur Jean 2, verset 15, aimez pas le monde, puis n'aimez pas le monde, ni rien de ce qui appartient au monde. Amen. Amen. Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the pride of life, is not of the Father, but is of the world. And the world passeth away, and the lust thereof. But he that doeth the will of God abideth forever. Amen. Praise the Lord. We quickly go to Deuteronomy 12. Amen. On vient de lire 1 Jean 2, 15 à 17, et maintenant on va lire... Oh, Daddy, let me see. Oh, it's all right. Praise the Lord. I want us to go here. Amen. Deuteronomy 12. Deuteronomy 12. Praise the Lord. Hallelujah. You know, we just read that love not this world. It's talking about, it's talking about the old life. Es geht das alte Leben. It's talking about the old, the flesh. Es geht das Fleisch. The people in the flesh. You don't love them with the love of this world. You love them with the love of Christ. And the love of Christ is giving them Christ. Die immer noch zum Fleisch gehören. Liebe sie nicht mit der Liebe dieser Welt, sondern mit der Liebe von Christus. Und mit der Liebe von Christus liebst du sie, indem du sie Christus übergibst. Et quand Jésus-Christ t'a dit de détester ce monde, il parle aussi de ta vie, de ton ancienne vie. Et c'est comme ça aussi tu soumets ta famille à Jésus-Christ. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. From verse 28, we'll quickly read. You will not reach that, because of the time. The time has really gone. From 28 of Deuteronomy 12. He said, observe and hear all these words, which I command thee, that it may go well with thee. And with your children after thee, forever. Are you getting it? Generation. Amen. Amen. Your coming to Christ is not, it's not for you alone. Mm. Amen. Christus kommst, ist nicht für dich alleine. Amen. Que tu viens vers Jésus-Christ, c'est pas pour toi-même. Amen. Amen. It is for your children, for your children's children. Are you getting it? Für deine Kinder und Kindeskinder. C'est pour tes descendants, pour les descendants des descendants. He said, when thou doest that which is good and right in the sight of God, of the Lord your God, and not in the sight of man or of men. It talks about something doing good in the sight of God. Doing something that is good and right in the sight of Christ and not in the sight of the flesh. Es geht darum, das zu tun, are you getting was, it? In den Augen what man call good. Richtig ist und nicht in den Augen von Menschen. Et puis vers when you will not read. Mm-hmm. I explain. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 29. When the Lord your God shall cut off the nations from before thee, whither thou goest to possess them, and thou shalt succeed them and dwelleth in their land. Today is Christ. Heute ist es Christus. Amen. So, if we come to Christ. Wenn wir zu Christus kommen. Kommt, wenn wir Jesus Christ. Praise the Lord. Today the land we go, we come, we are now into is the kingdom of heaven. Heute ist das Land, in das wir eintreten, das Königreich des Himmels. Amen. Maintenant le pays où tu vas t'installer, c'est le royaume des cieux. Amen. Then in verse 30, he said, take heed to yourself, that thou be not snared by following them, after that they be destroyed from before thee, and that thou inquire not after their gods, saying, how did this nation serve their gods? Even so will I do likewise. Verse 31, thou shalt not do so unto the Lord your God, for every abomination to the Lord, which he hated, have they done unto their gods. For even their sons and their daughters, they have burnt in the fire to their gods. Praise the Lord. You know, they burn their sons and daughters to their gods. Sie haben ihre Töchter und Söhne verbrannt für ihre Götter. Verset 31 nous dit que les gens ont offrir leurs fils et leurs filles à leur Dieu. We cannot even be there for Christ with anything. Are you getting it? Mm-hmm. So, you know, these people, they believe so much in Satan and they give their children to him. Diese Leute haben so krass an den Satan geglaubt, dass sie ihre eigenen Kinder verbrannt haben für diese Götter. Et puis on voit ici que les gens ont même offert leurs enfants pour le diable, pour Satan, mais nous ne sommes même pas capables d'être là pour Jésus-Christ. And you're in chapter 13, please. We will let us quickly go through some places in chapter 13. Amen. Amen. If this arise among you, a prophet, listen, or a dreamer of dreams, as is somebody there, and give thee a sign or a wonder, and the sign or a wonder come to pass, whereof he spake unto thee, saying, let us go after other gods, which thou hast not known. That's why it's true. It's good you know the truth. That thou hast not known. I think somebody getting something there. But to know Christ. Christ is the truth. 13. 1. Wir müssen die Wahrheit erkennen. Christus die Wahrheit. Verse 2. We are just there, verse 2. Wir sind jetzt bei Deuteronome 13, verset 1 et 2 maintenant. Amen. Amen. Verse 3. Thou shalt not hearken unto the words of the prophet or that dreamer of dreams. For the Lord your God proveth you to know whether you love the Lord your God with all your heart and with all your soul. You shall walk after the Lord your God and fear him and keep his commandment and obey his voice. Praise the Lord. Amen. Amen. The voice of Christ is very, very important. Die Stimme von Christ ist sehr wichtig. La voix de Jésus-Christ est très importante. He said, and serve him and cleave unto him. Cleave, that nothing can separate you. Amen. From him. Dich ihm anhängen, dass ich nichts von ihm trennen kann. Amen. Just like Jesus cleaved unto his father. Genauso wie sich nothing an seinem Vater angehangen hat, dass er do everything that pleases him. He's always about his father. So also it should be always about Christ for you. Genau. Amen. Genauso wie sich Jesus seinem Vater angehangen hat, dass er ihn nichts von seinem Vater trennen konnte. Er hat gesagt, ich tue ständig das, was meinem Vater gefällt. Amen. Look at verse 5. Et puis, on voit aussi que ici, il s'agit seulement de Jésus-Christ parce que même la Bible nous dit qu'on doit se joindre à Dieu pour ne pas laisser quelque chose bien notre Dieu nous séparer du vrai Dieu. Look at verse 5. It says, and that prophet, or that dreamer of dreams shall be put to death. You cannot see how he hates rivals. Bitte, wie er rivals. Diese Rivalität hasst. Amen. Et dans verset 6, on voit que Dieu déteste tous les rivales. Because he has spoken to turn you away from the Lord your God. The flesh will want to turn you away from the Lord, from Christ Jesus. Is somebody getting it? The flesh. Beware of the flesh. Et la chair veut vous arracher de Dieu. Vous devez faire attention de la chair. I don't know if you will have time to read here. Amen. Amen. On your own. Amen. Amen. He said, which brought you out of the land of Egypt and redeemed you out of the house of bondage to trust thee out of the way which the Lord your God commanded thee to walk in. So shalt thou pull thee evil away from the midst of thee. If your brother, the son of your mother, or the son of your daughter, or that daughter, or the wife of your bosom, or your friend, which is at thine own soul, entice thee secretly, saying, let us go and serve other gods, which thou hast not known. Thou know thy father, namely, verse 7, namely, of the gods of the people which are around about you. Nay, unto thee, or far off from thee, from the one end of the earth, even unto the other end of the earth, thou shalt not consent unto him, nor hearken unto him. Is somebody getting something here? Amen. Neither shall your eyes pity them. Do you see something there? Mm. He said, don't pity them. Du sollst auch kein Mitleid haben. Verse 8. Vers 8. Neither shall your eye pity them. Pity him. Achso, in der deutschen Version ist es ein bisschen versetzt. Also wenn wir bei der englischen auf 8 sind, wir in der deutschen auf 9. They said, neither shall. Okay. Et puis ici, dans verset 9, on voit que tu ne peux pas avoir le pitié avec les gens qui servent notre Dieu. He said, neither shall thou spare, neither shall thou conceal him, but thou shalt surely kill him. That, you know, here is no different from Matthew 18. If your arm offend you, we want to prevent you from making it, take it off. Und hier ist es nicht anders als Matthäus 18, wo steht, dass wenn dein Arm dich sogar dazu bringt, das Königreich zu verpassen, dass du deinen Arm abreißen sollst. He says, your eyes will not make you, will not allow you to make heaven. It's better you are blind. Es ist besser, dass du blind bist. And make heaven. Than having the two eyes and go to hell. Als sehend in die Hölle. You know, the same thing everything here. Somebody gleiche, you read it to verse 10. Amen. Et tu sais qu'on voit ici dans ces versets, la même chose avec ce que Jésus-Christ a dit, que si ton œil te sépare du royaume du ciel, c'est mieux d'arracher tes yeux plus d'être aveugle. Look at verse 10. And thou shalt stone him, verse 10, with stones, that he die, because he had sought to trust thee away from your God, from your Lord your God, which brought thee out of the land of Egypt. Come on, bringing out of the land of Egypt. Mm-hmm. And the Lord is saying, kill somebody that want to stand between you and me. Mm-hmm. How much more his son as a savior that came here. Mm-hmm. That you know somebody want to take you away from Christ, want to separate you. Und wir sehen hier, wie radikal Gott damit umgegangen ist, wenn irgendjemand versucht hat, den Kindern Israels, den Gott, der sie aus dem Land Ägypten geführt hat, schlecht zu machen. Wie hart er da vorgegangen ist, geschweige denn, wie hart er jetzt damit vorgeht, wenn sich irgendjemand zwischen uns und Jesus stellt, dem Jesus, der für uns sogar gestorben ist. Nicht der uns nicht nur irgendwo herausgeführt hat, sondern der sich wirklich für uns hingegeben hat. Ici, on voit que Dieu a été vraiment très radical. Close with Matthew 18. Go to Matthew 18. Parce que dans ce temps-là, il a délivré le peuple d'Israël d'Égypte. Et puis maintenant, comment Dieu est maintenant radical parce que Jésus-Christ est aussi venu pour nous libérer, pour mourir pour nous. Praise the Lord. Hallelujah. Matthew 18. Matthäus 18. Matthew 18. He said, wherefore, if your hand or your foot offend thee, cut them off, and cast them from thee. It is better for thee to enter into life, half or maimed, rather than having two hands or two feet to be cast into everlasting fire. Mm-hmm. Verse 9. And if your eyes offend thee, nine. Pluck it out, mm-hmm. and cast it from thee. It is better for thee to enter into life with one eye, rather than having two eyes, to be cast into hell fire. Praise the Lord. Hallelujah. You know, this is really, this is more than joke. Because me, it's joke. Praise the Lord. C'est qu'on vient de lire, c'est vraiment la pression plus que ce qu'on vient de parler. Praise the Lord. Hallelujah. I wanted to have, I have other things to say, but on Sunday we'll go there. Amen. Amen. There are many, but let us leave it now for now because the time has really gone. Praise the Lord. Hallelujah. Please, if you have anything to add.